En partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants, le CFMI d'Orsay, le Printemps des Arts de Monte-Carlo vous offre La musique expliquée aux aliens sur la Radio Parfaite, avec aujourd'hui un module conçu et réalisé par Johan Vass. Bienvenue, chers auditeurs, sur Secteur Alpha Centauri, sur Lactose Radio. Aujourd'hui, une émission un peu étrange et exotique que nous vous avons concoctée. En effet, comme vous êtes au courant, une nouvelle espèce primitive vient d'être découverte à seulement 4 années-lumière de Proxima, il y a 2 ans de cela. Et oui, je parle bien de l'espèce humaine. Une espèce qui en fascine plus d'un. La semaine dernière, nous avions fait venir un expert afin de nous parler de l'audition humaine. Nous avions vu que tout ça reste bien primaire, aucune audition télékinétique, et leur fréquence d'écoute se situe entre 20 Hz et 20 kHz, autant dire qu'ils sont aussi sourds qu'un Kofos en période pré-reproductive. Trêve de mon avidité, aujourd'hui nous accueillons notre expert de la culture humaine, Monsieur Batou Kada. Monsieur Kada, heureux de vous voir. Merci à vous de m'accueillir dans votre émission, ça me fait vraiment plaisir. C'est à moi de vous remercier. Je vois que vous parlez comme un véritable humain, cette manière de parler très typique de chez eux. C'est assez incroyable, comment faites-vous ? Eh bien, c'est un an sur le terrain, vous savez. Je vous avoue que ça a été assez dur au début, mais ça vient assez vite. Alors, Monsieur Kada, de quoi porte votre champ d'étude ? Eh bien, je me suis beaucoup penché sur l'art humain, et notamment à la musique humaine. C'est assez étonnant, de par leur fréquence d'écoute, on pourrait se dire qu'il s'agit d'une musique assez pauvre, assez bruitiste. Cependant, il n'en est rien. Et j'aimerais parler avec vous de la pulsation dans la musique, un concept qui nous est totalement inconnu. S'agit-il d'un instrument terrien ou d'une superposition sonore encore étrange ? C'est encore plus subtil que ça. Vous savez, nous autres civilisés, nous voyageons d'une galaxie à l'autre aussi vite que nous pouvons aller aux toilettes. C'est pour ça que la notion de temps pour nous est assez abstraite et notre horloge biologique est à agir en fonction de notre évolution. Les êtres humains, eux, sont assez primaires avec cette notion. En effet, leur seul référentiel étant leur planète, autant vous dire qu'ils ne vont pas bien loin et que leur vie se fait en fonction de leur étoile. Oui, ils n'ont même pas réussi quelque chose d'aussi élémentaire que la subdivision protonique à propulsion électromagnétique à charge positive. Ils utilisent encore le pétrole, rendez-vous compte. Eh bien, le retard technologique a fait qu'ils arrivent aujourd'hui dans la grande majorité de leur musique à diviser le temps de manière régulière. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas diviser le temps comme on couperait un steak de banta. Eh bien, j'ai ramené avec moi un engin assez étrange, qu'il s'appelle métronome. Je vais vous le faire écouter. Dérangeant, n'est-ce pas ? Je dirais même plus déroutant. Voici ce qu'est la pulsation. La division du temps de manière régulière représentée ici par un son. Il peut être accéléré ou ralenti. Prenez votre steak de banta par exemple. Si on le clone et qu'on le répartit tout le long de votre table, à égale distance les uns des autres, vous avez ici une image de la division du temps version steak. Vous me donnez faim. Mais c'est un morceau connu ce métronome. Non, il sert juste de repère. Écoutez cette œuvre, par exemple. Attention, ça peut déranger. Ah, assez mal à l'aise. Maintenant, je vais y intégrer le métronome pour vous montrer que tout est synchronisé. Fascinant. Étonnant. Charmant. Époustouflant. Extravagant. Ça vous va? Comme un gant. Mais étrange. Et encore, vous n'avez pas tout entendu. Des fois, le non-pulsé peut être mélangé au pulsé. Une feuille machine théâtre présente inattendu d'après Fabrice Mercure, mise en scène, Christelle Glise, machine théâtre, théâtre des Arceaux, 37 rue Gustave, 34000 Montpellier, tel, 04 67 06 95 23, email machine théâtre @hotmail.com, un ticket carte bancaire le 06 04 2006 à 13h58 15, Tamise 34 Montpellier 65 48 80 99, 01 45 86 65 47 31, 000 ECE 63 EA 01 F8 40, 1-0-0-0-0-0-0-4-C-A, montant 215 heures pour information, 1410-31-FRF, débit, ticket client à conserver, un ticket Virgin Megastore, Toulouse, CB 22-03-06, 15h19-31, Virgin, Toulouse, 31, Toulouse, 20-50-46-53-DD-85-AC-10-3. Ou pouvoir ressentir deux pulsations en même temps. Premier métronome. Deuxième métronome. J'ai la nausée, l'envie de vomir. Pas d'inquiétude, c'est normal. Tant que ce n'est pas sur mes chaussures. Eh bien, merci, monsieur Kada, pour ces informations fort intéressantes. Merci à vous. La fois prochaine, nous accueillerons un autre expert pour nous parler de la gastronomie terrienne. Bonne soirée à tous sur Lactose Radio. C'était « La musique expliquée aux aliens », une série conçue et réalisée par les étudiants du CFMI d'Orsay en exclusivité pour la Radio Parfaite, la web radio du Printemps des Arts de Monte-Carlo.